Agrippine demande alors des explications à Burrus, qui, avec Sénèque, est gouverneur de Néron. Vous m'avez des Césars confiés à la jeunesse, je l'avoue, et je dois m'en souvenir sans cesse. Mais vous avez-je fait serment de le trahir, d'en faire un empereur qui ne sut qu'obéir? Non, ce n'est plus à vous qu'il faut que j'en réponde. Ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde. J'en dois compte, madame, à l'Empire romain, qui croit voir son salut ou sa perte en ma main. Ah, si dans l'ignorance il le fallait instruire, n'avait-on que Sénèque et moi pour le séduire? Pourquoi de sa conduite éloigner les flatteurs? Fallait-il dans l'exil chercher des corrupteurs? La cour de Clodius, un esclave fertile, pour deux que l'on cherchait, en eût présenté mille, qui tous auraient brigué l'honneur de la vilir. Dans une longue enfance, il l'aurait fait vieillir. De quoi vous plaignez-vous, madame? On vous révère, ainsi que par César, on jure par sa mère. L'empereur, il est vrai, ne vient plus chaque jour mettre à vos pieds l'empire et grossir votre cour. Mais le doit-il, madame? Et sa reconnaissance ne peut-elle éclater que dans sa dépendance? Toujours humble, toujours le timide Néron, n'ose-t-il être Auguste et César que de nom? Vous le dirai-je enfin, Rome le justifie. Rome, à trois affranchis si longtemps asservis, à peine respirant du joug qu'elle a porté, du règne de Néron compte sa liberté. Que dis-je? La vertu semble même renaître. Tout l'empire n'est plus la dépouille d'un maître. Le peuple au champ de Mars nomme ses magistrats. César nomme les chefs sur la foi des soldats. Les déserts, autrefois peuplés de sénateurs, ne sont plus habités que par leurs délateurs. Qu'importe que César continue à nous croire, pourvu que nos conseils ne tendent qu'à sa gloire, pourvu que dans le cours d'un règne florissant, Rome soit toujours libre et César tout-puissant. Mais, madame, Néron suffit pour se conduire. J'obéis sans prétendre à l'honneur de l'instruire. Sur ses aïeux, sans doute, il n'a qu'à se régler. Pour bien faire, Néron n'a qu'à se ressembler. Heureux si ses vertus, l'une à l'autre enchaînées, ramènent tous les ans ses premières années.